إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours numéro 6 dans la lecture du livre Umdatul Ahkam, qui est avec le charh de Cheikh Abdullah Al-Bassam, qui s'intitule Taysirul Allam. Donc c'est le charh de Umdatul Ahkam. On est rendu au hadith numéro 8 dans ce livre, et on est toujours dans Kitab al-Tahara, on est toujours dans le livre de la pureté, la purification. Donc dans le livre de la purification, justement, il y a en tout, il y en a, si je ne me trompe pas, 13 hadiths. Non, 10, pardon, 10 hadiths dans le chapitre de la purification. Donc on a presque fini, on est au hadith numéro 8. Peut-être qu'aujourd'hui on pourra faire 9, 10 aussi. On va voir ce qu'on aura le temps de faire. Donc, le hadith, c'est le suivant. An Amr ibn Yahya al-Mazini, an abihi, قال, shahidtu Amr ibn Abi al-Hasan, sa'ala Abdullah ibn Zayd, an wudu'in Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fada'a bitawrin min ma' fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فأكفأ على يديه من الطور أو من الطور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الطور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في الطور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في طور من صفر. متفق عليه. والطور شبه الطست، شبه الطست. Donc le cheikh il explique que Abdul, en fait le hadith c'est rapporté selon Amr ibn Yahya al-Mazini, selon son père. Donc Amr, il rapporte selon son père Yahya, qui dit: j'ai été témoin de Amr ibn Abi al-Hasan, qui a demandé à Abdullah ibn Zayd au sujet du wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Amr ibn Abi al-Hasan demande à Abdullah ibn Zayd comment était le wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il veut un exemple du wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Abdullah ibn Zayd demande qu'on lui ramène comme une petite entonnoir ou une bouilloire, un contenant avec de l'eau, hein, dedans. At-tawr, c'est comme les trucs de bouilloire là qu'on met de l'eau dedans, ou les trucs qu'on utilise pour verser de l'eau. Donc, on lui ramène de l'eau dans ce contenant, et lui, il se place pour leur donner un exemple du wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la pratique, par l'exemple pratique. Parce que c'est la meilleure manière d'enseigner comment faire le wudu. Qu'est-ce qu'il a fait pour commencer? Il a versé de l'eau sur ses mains et il les a lavées trois fois. Il a versé de l'eau sur ses mains et il les a lavées trois fois. Ensuite, il a rentré sa main dans At-Tawr et il a mis de l'eau dans sa bouche pour faire Al-Madmada. C'est-à-dire, Al-Madmada, c'est de faire circuler l'eau dans la bouche puis la cracher par la suite. Ensuite, et avec la même poignée d'eau, avec la même poignée, avec la même poignée, il a mis de l'eau. En même temps qu'il met dans sa bouche, il met dans son nez aussi. Et il a fait ça trois fois. Donc il a fait Al-Madmada et Al-Istinshaq avec trois poignées d'eau. D'accord? Donc, pour laver la bouche, c'est Al-Madmada. On dit quand on lave la bouche, ça s'appelle Al-Madmada. Quand on lave le nez, ça s'appelle Al-Istinshaq. Donc il dit istanshaqa wa istanthara. Al-istinshaq, c'est lorsque l'eau rentre dans le nez, et al-istinthar, c'est quand l'eau sort du nez, on le fait sortir en soufflant par le nez. Donc il a fait ça trois fois, hein, avec trois poignées de main, une poignée de main avec de l'eau dedans, et il rentre dans sa bouche et son nez, après il le fait sortir, et il le recommence une deuxième fois, hein, et une troisième fois. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il a fini avec sa bouche et son nez, il rentre ses mains dans le contenant et il prend de l'eau et il lave son visage trois fois. Ok? Il lave son visage trois fois. On a dit, de la hauteur, c'est de l'endroit où les poils commencent jusqu'au menton et d'une oreille à l'autre. Ça, c'est de la hauteur et de la largeur, c'est la limite de qu'est-ce qu'on appelle al-wajh, c'est-à-dire le visage. Ensuite, il a rentré encore une fois sa main et il a lavé son bras, ses deux bras deux fois. Hein? Il a lavé son bras droit deux fois et son bras gauche deux fois. On voit ici que dans le hadith, il a lavé son visage trois fois, il a mis trois fois de l'eau dans son nez et dans sa bouche, il a lavé ses mains trois fois. Mais ses bras, il les a lavés seulement deux fois. Ça veut dire que c'est pas obligatoire de faire trois fois. Tu peux faire trois fois, tu peux faire deux fois, tu peux faire une fois. Le minimum, c'est une fois. C'est ça qui est obligatoire. De faire deux ou trois, ça c'est supplémentaire, c'est surérogatoire. Pardon? C'est ça, trois c'est le maximum. Tu peux pas dépasser trois. Donc, ensuite, il a lavé donc son visage, il a lavé ses bras jusqu'aux coudes, et les coudes sont inclus dans le bras. Et ensuite, il a rentré sa main dans l'eau, puis il a passé sa main qui était mouillée sur sa tête. Il les a passées une fois jusqu'en arrière et il les a ramenées par devant. Ça fait une fois. Puis ensuite, il a lavé ses pieds. Il a lavé ses pieds. Donc ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre narration, c'est écrit que il a pris ses mains à partir du devant de sa tête, c'est-à-dire juste à l'endroit où ses cheveux commencent, et il les a ramenés jusqu'à sa nuque, et il est revenu à l'endroit à partir duquel il avait commencé, c'est-à-dire jusqu'en avant. Hein, jusqu'en avant. Donc ça, c'est dans l'autre narration, il y a ce détail-là qui est rajouté. Puis dans une autre narration encore, c'est écrit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous est venu. Donc il explique, avant d'expliquer le wudu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous est venu et nous lui avons ramené de l'eau d'un contenant fait en cuivre. Un contenant fait en cuivre. Et ici, il y a une définition qui dit que At-Tawr, c'est Shibhut-Tast. Donc, c'est une définition par rapport à ce contenant, comment il s'appelle en arabe. Donc, parmi les différents vocabulaires qui sont employés dans le hadith. Le cheikh il en explique quelques termes, comme par exemple bitourin min ma. Donc le, il dit qu'il a, il a demandé qu'on lui apporte un contenant avec de l'eau dedans. Donc il a dit na'am bil musanna yani at-tast. At-tast huwa al-ina as-saghir. Donc at-tast c'est un petit contenant. Hein, ça c'est qu'est-ce qui est mentionné chez les hommes de les savants de la langue comme l'a mentionné Az-Zamakhshari. Après il dit fa akfa'a 'alayhi aw fa akfa'a 'ala yadayhi. Yani mala wa sabba 'ala yadayhi. وفي روايته وفي رواية وفي بعض الروايات على يده قال ابن حجر تحمل رواية الإفراد على إرادة الجنس. OK. Il a pris du contenant puis il en a versé sur ses deux mains. Et dans une autre narration, il en a versé sur sa main. En voulant dire, il a pris de l'eau du contenant et il en a versé sur ses mains. Il n'a pas rentré sa main directement dans le contenant, comme on a expliqué dans au dernier cours, dans le dernier hadith, mais plutôt il a versé de l'eau dans sa main pour, au cas où, si dans sa, sur sa main il y avait quelque chose de sale, il ne va pas salir l'eau en mettant sa main directement dans le contenant, mais plutôt il va les, hein, il va les laver, il va verser de l'eau du contenant sur ses mains avant de faire rentrer sa main dans le contenant directement. Ensuite, il dit min sufrin bi sad, hein, bi dam sad. Donc, le soufre, c'est une sorte de cuivre. D'accord ? Et il a le mirfaqayn marratayn. Qala as-san'ani kadha fi nuskhati al-umda lafdhu marratayn wa lafdhu al-bukhari fi hadha al-hadith marratayn marratayn. Wa kadha fi muslim mukarraran. Wa lam yunabbih az-zarkashi ila hadha. Donc, il dit que dans le hadith ici en question, il mentionne jusqu'au coude deux fois, le bras, de laver le bras jusqu'au coude deux fois. Et As-San'an, il mentionne que dans la version de Muslim et de Al-Bukhari, il y a la répétition de deux fois de suite. C'est-à-dire, tu laves le bras droit, il a lavé son bras jusqu'au coude, deux fois, deux fois. Tu sais, c'est dit comme deux fois, c'est répété. Mais dans la version qui est dans Al-Umda, il ne le mentionne qu'une seule fois. C'est-à-dire, il a lavé son bras jusqu'au coude deux fois, il ne le répète pas. Il ne répète pas le mot deux fois, il ne le répète pas deux fois, il le répète une seule fois. Ensuite, la signification générale du hadith, il y a comme un genre de résumé. Et de ce résumé-là, il mentionne 8 points. Donc on va énumérer ces 8 points. Il dit هذا الحديث يعرف معناه مما تقدم في شرح حديث عثمان لأن كلا الحديثين يصف الوضوء الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه يوجد في هذا الحديث زيادة فوائد على الحديث السابق نجملها بما يلي. Le cheikh il dit que ce hadith là dans sa signification il explique. Il y a les significations, on les connaît de ce qu'on a expliqué du dernier hadith, le hadith de Uthman. Et les deux hadiths expliquent la description du wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le wudu complet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Excepté que dans cette version, dans ce hadith ici, il y a des détails et des points qui n'ont pas été mentionnés dans le hadith précédent. Il dit, on va juste les résumer dans cette explication maintenant. Il dit ici صرح هنا بأن المضمضة والاستنشاق كانتا ثلاثا ثلاثا من ثلاث غرفات. Donc il dit dans ce hadith, il dit explicitement que المضمضة et l'استنشاق c'est trois fois hein, à partir de trois poignées. D'accord. Donc il dit وفي الحديث السابق ذكر أن غسل اليدين كان ثلاثا وفي هذا الحديث ذكره مرتين. Donc la différence dans le hadith précédent, il mentionne que le hadith précédent il mentionnait trois fois laver les bras trois fois, tandis que dans celui-ci il mentionne de les laver deux fois seulement. دي وقوله لم أدخل لم لم أدخل نعم دي ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا إفراد اليد رواية مسلم وأكثر روايات البخاري. قال النووي بعد ذكره أحاديث الروايتين وهي دالة على أن ذلك سنة، ولكن المشهور الذي قطع به الجمهور أن المستحب أخذ الماء إلى الوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسبار. Donc il dit que ensuite il a rentré sa main dans le contenant puis il a lavé son visage trois fois. Ça, ça donne comme l'impression qu'il aurait juste rentré une seule main pour laver son visage avec. Et ça, c'est la narration de Muslim. Et la plupart des narrations de Al-Bukhari également. Mais l'imam al-Nawawi, il mentionne après avoir rapporté les deux narrations, il dit que ceci indique que c'est une sunna. C'est-à-dire que c'est une sunna, que c'est quelque chose qui est recommandé de le faire. Mais la majorité des savants... n'ont pas été définitifs sur cette position-là. La position de la majorité des savants, c'est qu'il est recommandé de prendre l'eau avec les deux mains pour laver le visage. Et qu'on prend l'eau avec les deux mains ensemble. Parce que, premièrement, c'est plus facile pour laver le visage lorsqu'on prend de l'eau avec les deux mains. Et qu'en plus, c'est plus proche du fait de pouvoir étendre l'eau plus facilement sur le visage, hein, que ce qu'on appelle al-isbar, de faire en sorte que l'eau atteigne tous les endroits du visage. Tandis que si je le fais avec une seule main, c'est plus compliqué, c'est moins facile. Et le cheikh, il dit aussi, comme c'est rapporté ensuite dans le hadith, précédent, il dit قال في الحديث السابق ثم مسح برأسه وهذا التعبير يمكن تأويله ببعض الرأس كما أولت الآية وامسحوا برؤوسكم وفي هذا الحديث صرح بمسحه كله وفصل كيفية المسح وشرع بين والشرع يبين بعضه بعضا فدل على وجوب مسحه كله كما تقدم. Donc il dit dans le hadith précédent, il a mentionné, c'était écrit ثم مسح برأسه, c'est-à-dire il a passé sa main ou il a frotté sa tête, hein, il a passé sa main sur sa tête. Cette expression, cette façon de dire pourrait permettre l'interprétation de certains qui disent que ça c'est juste une partie de la tête qu'il faut passer la main dessus, que c'est pas nécessaire de passer la main sur la tête en entier. Et ils se basent sur leur interprétation du verset wamsahu biru'usikum, c'est-à-dire en voulant dire que pour eux le verset qui dit et frottez vos têtes ou passez vos mains sur vos têtes, ils l'interprètent comme étant une partie de vos têtes, hein. Tandis que Yani, le cheikh dit que dans cette version, dans cette narration du hadith qu'on a lu maintenant, c'est clair et explicite qu'il faut frotter la tête au complet, hein, du début de la tête jusqu'en arrière, jusqu'à la nuque. Et que, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, et qu'il y a les détails de la façon dont on doit passer les mains sur la tête. Et il dit que, en fait, la législation et la charia, elles s'expliquent. C'est-à-dire que les hadiths, ils s'expliquent les uns les autres. Et les hadiths, parfois, ils expliquent le verset, ou parfois, les versets s'expliquent entre eux, les hadiths s'expliquent entre eux, et la sunna explique le Coran. Et même parfois, le Coran peut expliquer des éléments de la sunna. Donc, c'est pour dire que, yani, si ça n'a pas été détaillé dans l'autre hadith, comment frotter la tête, c'est pas grave parce que dans ce hadith-là, il a été expliqué. Et donc, on sait qu'on doit passer les mains mouillées du devant de la tête jusqu'en arrière. Il dit ensuite, وَفِي هَذَا, donc ça c'est quelque chose qui indique et qui prouve que c'est obligatoire de le faire, comme on l'a expliqué dans le cours précédent, que c'est pas quelque chose qui est recommandé, mais que c'est quelque chose d'obligatoire, et que de passer la main juste sur un morceau de la tête ou juste sur le devant de la tête, que ça suffit pas, que c'est pas acceptable. Le point numéro 5, وفي الحديثين يذكر عند المضمضة والاستنشاق أنه يعني يدخل يدا أو يدخل يدا واحدا أو واحدة. أي نعم. وفي الحديثين يذكر عند المضمضة والاستنشاق أنه يدخل يدا واحدة. وفي هذا الحديث ذكر أنه أدخل يديه عند غسلهما ومسح الرأس بيديه أقبل بهما وأدبر مرة واحدة. قال أبو داود أحاديث الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة. وقال ابن المنذر إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة. Donc il dit que les deux hadiths en question indiquent que al-madmada et al-istinshaq, laver la bouche et laver le nez dans le wudu, que ça doit être fait avec une seule main. Que ça doit être fait avec une seule main. وفي هذا الحديث ذكر أنه أدخل يده يعني عند أو أدخل يديه عند غسلهما. أي نعم. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit فدع بتنو فدع بم نعم فأكفى على يديه من الطور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الطور. أي نعم. Donc il dit, وفي هذا الحديث ذكر أنه أدخل يديه عند غسلهما ومسح الرأس بيديه أقبل بهما وأدبر مرة واحدة. Donc c'est ça. Quand il a fait le madmada ou l'istinshaq, il a rentré une seule main. Et dans cet hadith, il mentionne qu'il a rentré ses deux mains, puis après qu'il les a passées sur sa tête, pour aller par en arrière et pour revenir en avant, une seule fois. Et Abu Daoud, il a dit, les hadiths authentiques ont tous indiqué, que pour la tête, il faut le faire une seule fois. La tête, c'est toujours une seule fois, pas plus qu'une seule fois. Et Ibn al-Mundhir a dit que ce qui est rapporté authentiquement de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la tête, c'est de passer les mains sur la tête une fois. C'est-à-dire, une fois, ça veut dire du devant jusqu'en arrière, puis de derrière jusqu'en avant. Ça fait une fois. D'accord? Pas plus que ça. Tu vois, pas comme les bras, ou le visage ou les pieds, c'est pas plus qu'une fois, c'est pas la même chose que les autres membres. Ensuite il dit dans le point numéro 6 al hadith, donc il dit sarraha bi ghasl al rijlain wa huna lam yadhkurhu wa ghasluhuma min al furud al muttafaq alayha fala yakunu fi tarki dhikrihima huna ma yadullu ala adam wujub ghaslihima. Plutôt, le hadith mentionne explicitement de laver les deux pieds, mais il dit ici, il n'a pas été mentionné. C'est ça. Peut-être que c'est ça ce qu'il veut dire. Peut-être qu'il veut dire qu'il n'a pas mentionné en détail. Parce que dans le premier hadith, le hadith de Uthman, qu'on a fait la semaine passée, il mentionne explicitement le fait de laver les pieds trois fois. Hein, parce que dans le hadith précédent, il disait, ثُمَّ رَسَلَ كِلْتَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا. Hein, de les laver trois fois. Tandis que dans cette narration ici, il dit, seulement, ثم غسل رجلي, puis il a lavé ses deux pieds. Mais il n'y a pas la mention de trois fois. Donc peut-être que c'est ça ce qu'il veut dire ici. Allahu a'lam. Il dit, وغسلهما من الفروض المتفق عليها. C'est-à-dire de laver les deux pieds, c'est quelque chose qui fait partie des obligations sur lesquelles il y a un accord entre les savants. Tous les savants sont d'accord sur ça. Et de les abandonner, c'est-à-dire de ne pas les mentionner, hein, de ne pas les avoir mentionnés ici, ça indique que ce n'est pas obligatoire de les laver. Ça, c'est ce qu'il dit. Wallahu a'lam, qu'est-ce qu'il veut dire ici? On va mettre un point d'interrogation juste pour qu'on puisse vérifier ce point-là ici par la suite. Il dit wa yukhadhu min hadha jawaz mukhalafati a'dha' al-wudu bitafdil ba'dha 'ala ba'd وأن التثليث في الصفة الكاملة وأن التثليث هو الصفة الكاملة وما دونها يجزي كما صحت بذلك الأحاديث. Donc il dit, on peut prendre dans le point numéro 7, il dit on peut prendre de ce hadith qu'il est permis de ne pas faire les membres du wudu tous par, avec le même nombre. C'est-à-dire dans le sens que tu peux faire le visage trois fois, puis faire les bras deux fois, comme il l'a fait dans ce hadith-là. Tu vois ? C'est-à-dire que tu peux faire un, comme le visage, tu peux laver une fois, les bras, tu laves deux fois, puis après, par exemple, tes pieds, tu les laves juste une fois ou deux fois. Ça dérange pas. Tu vois? Si tu fais une, la première fois, c'est l'obligation. Deuxième fois, c'est, ou troisième fois, c'est sunna. Et il dit donc que ça, c'est, dans ce hadith, il y a la preuve que c'est pas, que c'est permis de pas faire tout de la façon complète et parfaite. Tu peux faire, un membre parfaite, complète, les trois fois, puis un autre membre, tu fais juste deux ou un. D'accord? Et il dit ça, c'est mentionné, et c'est mentionné de façon authentique dans les hadiths. Le point numéro 8, « اختلف العلماء في البداء في البداءة بالمسح فهي من المقدم إلى المؤخر أو من المقدم إلى المؤخر عند ابن دقيق العيد والصنعاني فهم وفهم بعضهم من قوله فأقبل بهما وأدبر أن المسح من مؤخر الرأس إلى مقدمه ثم يعاد باليدين إلى قفاء الرأس. Donc qu'est-ce qu'il veut dire ici, qu'il y a une divergence entre les savants, où est-ce qu'on commence à passer les mains sur la tête? Donc d'après qu'est-ce qu'on a mentionné selon Ibn Daqiq al-Aid et al-Sana'ani, c'est qu'on commence par ici, par devant, puis qu'on revient en arrière. Il dit que par contre, certains savants, eux, ont compris que c'est le contraire. Qu'on commençait par en arrière jusqu'en avant, puis en avant jusqu'en arrière. Comprenez? Donc au lieu de faire comme ça et comme ça, eux, ils font comme ça et comme ça. Il y a une divergence. Mais en fait, quand tu regardes le hadith ici, il dit « فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَى » Donc le hadith, il est clair. Parce que « al-qafa » c'est ici. « Qafa » c'est le derrière de la tête, c'est la nuque. Donc ici, c'est explicitement mentionné dans ce hadith-là qu'il a commencé au début de la tête, puis il est allé jusqu'à la nuque. Donc moi, je ne vois pas pourquoi il mentionne cette divergence-là de cette façon. Allahu a'lam. Donc, d'après ce qui est plus clair, d'après cette narration-là, c'est que tu pars par le en haut du début des cheveux, puis tu recules jusqu'à la nuque, tu vas jusqu'à la nuque, puis tu reviens jusqu'en avant par la suite, de l'endroit où tu as commencé. Ça, c'est ce qui est clair dans le hadith. Ensuite, le hadith numéro 9, عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله رواه البخاري ومسلم. Ce hadith, il est rapporté selon عائشة رضي الله عنها, et elle a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite dans le fait de porter ses sandales, dans le moment où, quand il peignait ses cheveux, il aimait commencer par le côté droit, quand il faisait sa purification, il aimait commencer par la droite, et dans toutes ses affaires, il aimait commencer par la droite. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن pas التيمم التيمن avec le nun à la fin, c'est pour dire اليمنى, commencer par la main droite, اليمين التيمن, ok, اليمين, ça vient de اليمين واليمنى, ça veut dire la droite. كان يعجبه التيمن في تنعله, التنعل ça vient de النعال, de porter les sandales. Et الترجل c'est lorsque tu peignes tes cheveux. وطهوره c'est-à-dire la purification. وفي شأنه كله, dans toutes ses affaires. Et donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans l'explication des vocabulaires du hadith, le premier mot qui est mentionné, c'est yu'jibuhu at-tayammun. Yani yufaddil at-taqdim taqdim al-ayman ala al-aysar. C'est-à-dire il préfère débuter par la droite plus que par la gauche. C'est-à-dire il donne précédence et préférence à la droite sur la gauche. Wa qala as-Sanani kullu fi'lin yuhibbuhu Allah wa rasuluhu fa huwa yadullu ala mashru'iyyatihi lish-sharikati bayna al-ijabi wan-nadb. Donc il dit que l'imam al-San'ani a dit toute action que Allah et son messager aiment, ça indique que c'est quelque chose qui est légiféré. Soit que c'est obligatoire ou recommandé. Après il dit fitana'ulihi, yani filibsi na'lihi, quand il portait ses sandales. Wa tarajjulihi, tashrihu sha'ri ra'sihi wa lihyatihi bil masht. Donc il aimait peigner ses cheveux, les cheveux de sa tête et les cheveux de sa barbe. Il aimait les peigner. Na'am. Et il dit وطهوره بضم الطاء التطهر يعني يشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. Donc وطهوره ça implique ou ça comprend le wudu, la purification, le wudu, le ghusl et le fait d'enlever les impuretés. Il aimait commencer toujours par le côté droit. Hein? Et il dit ensuite il dit wa fi sha'nihi kullihi min al-ashya' al-mustataba ka hadhihi al-amthilah al-madhkura qala al-shaykh Taqiyuddin wa fi sha'nihi kullihi 'am makhsus bi mithl dukhul al-khala wa al-khuruj min al-masjid wa nahwihima mimma yubda'u yubda'u fihi bil-yasar. Donc il dit ainsi que dans toutes ces affaires. Donc, c'est-à-dire que dans toutes les bonnes choses, il aime commencer par la droite. Dans toutes les choses qu'on a mentionnées, qui sont des bonnes choses. Et le cheikh Taqiyuddin, il dit, ça c'est dans le sens général. C'est-à-dire qu'il aime de façon générale commencer par la droite, excepté des choses qui sont spécifiées. Comme par exemple le fait de rentrer dans les toilettes, ou de rentrer dans la mosquée. De rentrer dans la toilette ou de sortir de la mosquée, c'est mieux de le faire en commençant par la gauche. Hein? C'est ça ce qu'il dit. On commence par la gauche, contrairement à la règle générale de préférer commencer par la droite. Quand tu rentres à la toilette, tu rentres par la gauche. Quand tu sors de la mosquée, tu sors par la gauche. Naam. Le sens général de ce hadith, il dit min fadli ummahat al-mu'minin رضي الله عنهن لا سيما الحافظ الحافظة العالمة الصديقة بنت الصديق أنهن روينا للأمة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما الأفعال المنزلية التي لا يطلع عليها غير أهل بيته روينا علما كثيرا. Donc le cheikh il dit que dans le sens général, premièrement, ce hadith montre le mérite des mères des croyants. Pourquoi? Parce que les mères des croyants, que Allah soit satisfait d'elles, en particulier celle-ci, c'est-à-dire Aïcha radiallahu anha, puisque c'était une hafidha, c'est-à-dire une femme qui mémorisait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus qui était une savante dans l'islam et qui était véridique, la fille d'un véridique, hein, Siddiqa, Bintu Siddiq, la fille d'Abu Bakr al-Siddiq, c'est qu'elle a rapporté, ou les femmes des épouses du messager, sallallahu alayhi wa sallam, les mères des croyants, ont rapporté plusieurs des actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en particulier les éléments de ces actions qu'il faisait lorsqu'il était chez lui à la maison. C'est-à-dire des choses que la plupart des gens, en dehors de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne pouvait pas voir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elles, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont pu rapporter des éléments des actions et des façons du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'agir à l'intérieur de chez lui que les autres personnes ne pouvaient pas voir. Et donc elles ont donc ramené une grande science, hein, juste avec qu'est-ce qu'elles avaient de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était dans sa maison. Il dit فهنا عائشة تخبرنا عن عادة النبي صلى الله عليه وسلم المحببة إليه، يعني وهي تقديم الأيمن في لبس نعله ومشط شعره وتسريحه وتطهيره من الأحداث وفي جميع أموره التي من نوع ما ذكر كلبس القميص والسروال والنوم والأكل والشرب ونحو ذلك، كل هذا من باب التفاؤل الحسن وتشريف اليمين على اليسار. Donc il dit que ici Aïcha radiallahu anha nous informe que c'était dans l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les choses qu'il aimait, c'était de commencer par la droite lorsqu'il portait ses sandales, lorsqu'il peignait ses cheveux, lorsqu'il les plaçait et lorsqu'il purifiait son corps des impuretés, il commençait toujours par la droite dans toutes ses affaires et dans toutes les choses qu'il faisait. Comme les exemples de ce qu'on a mentionné, plus également le fait de porter son kamis. Il va porter son kamis, il va rentrer son bras dans la manche droite en premier, puis après la manche gauche. Ou bien quand il va dormir, il dort sur le côté droit. Ou quand il va manger, il va préférer commencer par la droite, et manger avec la main droite, et ainsi de suite, et boire avec la main droite. Donc tout ça sont des exemples du fait de préférer la droite par rapport à la gauche. Et il y a dans ça quelque chose de... C'est comme si quelqu'un prenait de ça un bon présage. Un présage positif, quelque chose de positif. Al-tafa'ul, al-hasan. Et il dit... Et également, c'est une manière d'honorer la droite aussi. C'est une manière d'honorer la droite. Amma al-ashya al-mustaqdara... فالأحسن أن تقدم فيها اليسار، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين، ونهى عن مس الذكر باليمين لأنها للطيبات، واليسار لما سوى ذلك. Donc il dit le cheikh que accepter les choses sales, les choses qui sont pas bonnes, qui sont pas propres, c'est mieux de commencer par la gauche. Al-Yasar. Pourquoi? Parce qu'il dit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, a interdit de faire al-istinja avec la main droite. On n'a pas le droit de se nettoyer quand on a fini de faire nos besoins avec la droite. Et également, il nous a interdit de toucher à nos parties avec la main droite. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit qu'on touche nos parties lorsqu'on est en train de faire uriner ou faire nos besoins. Le hadith, c'est ça qu'il dit. Je pense qu'il dit « Naha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam an yamassa zakarahu wa huwa yaboul » ou « Kama qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam » C'est-à-dire qu'il a interdit qu'on touche nos parties intimes lorsqu'on est en train d'uriner avec la main droite. Avec la main droite. Ensuite, il dit فهذا عائشة تخبر عن عادة النبي صلى الله عليه وسلم. OK, on a mentionné ça. OK, et il dit ولهذا, donc on l'a mentionné. Il dit donc ونهى عن مس الذكر باليمين لأنها للطيبات. Donc la main droite c'est pour les choses qui sont bonnes, tandis que la main gauche c'est pour le reste des affaires. ومن ذلك ومما يؤخذ من الحديث c'est quoi les points qu'on peut tirer de ce hadith là? Il y en a quatre. Il y a quatre points qu'on peut tirer dans ce hadith. الأول إن تقديم اليمين للأشياء الطيبة هو الأفضل شرعا وعقلا وطبا. Il dit que de faire passer la droite dans les choses qui sont bonnes, ça c'est ce qu'il y a de meilleur selon la charia, selon la raison et même médicalement, selon la médecine, c'est meilleur de commencer par la droite. Il dit وقال النووي رحمه الله قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداعة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين وكان بعضها وكان وما كان بضدها استحب فيه التياسر. التياسر. Donc il dit ici que de commencer par la droite, c'est pour les choses droites, on a dit, c'est meilleur dans la charia, dans la raison et dans la médecine. Et l'imam al-Nawawi a dit que c'est la règle de la religion qui est continuelle et perpétuelle, qu'il est meilleur et recommandé de commencer par la droite dans toutes les bonnes choses, les choses qui sont nobles, les choses qui sont pour embellir. De même qu'on doit commencer également par la gauche dans les choses qui sont mauvaises, hein, dans tout ce qui est le contraire de ce qui est bon. C'est recommandé de commencer par la gauche. Le point numéro 2, إن جعل اليسار للأشياء المستقذرة هو الأليق شرعا وعقلا. Il dit que de commencer par la gauche pour les choses sales, c'est qu'est-ce qui est le plus correct selon la charia et selon la raison. C'est ça qui est plus correct et plus acceptable. Et il dit le point numéro 3, إن الشرع الشريف جاء لإصلاح الناس وتهذيبهم ووقايتهم من الأضرار. Donc il dit que la noble charia est venue pour réformer les hommes et les corriger et pour les protéger contre le mal et contre ce qui peut leur faire du tort. Il dit comme point numéro 4, إن الأفضل في تقديم الوضوء ميامن الأعضاء على مياسرها. قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة من خالفهما فاتته يعني فاته الفضل من خالفهما فاته الفضل ثم وضوءه وتم وضوءه نعم من خالفهما فاته الفضل وتم وضوءه وقد وقال في المغني لا يعلم في عدم الوجوب خلاف لا يعلم في وجوب في عدم الوجوب خلاف. Donc dans le point numéro 4 il dit que qu'est-ce qui est mieux dans le wudu, c'est de commencer avec les membres du côté droit. Ça c'est ce qui est mieux dans le wudu, de commencer avec les membres du côté droit. L'imam al-Nawawi a dit qu'il y a un consensus des savants sur le fait qu'on doit passer les membres du côté droit en premier dans le wudu et que c'est une sunna. Et que c'est une sunna, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. Et celui qui fait le contraire, il a manqué ce qui est meilleur. Celui qui fait le contraire, c'est-à-dire dans le wudu, il commence par le côté gauche, il a manqué ce qui est le meilleur à faire, mais son wudu est complet. Son wudu est complet quand même. Ça, c'est dans le point numéro 4. Et il dit que dans Al-Mughni, l'imam Ibn Qudama, Al-Maqdisi, il dit que on ne connaît pas, au sujet du fait que ce n'est pas obligatoire, on ne connaît pas de divergence. On ne connaît pas de divergence sur le fait que ce n'est pas obligatoire de commencer par la droite dans le wudu. Non, c'est pas wajib. يعني لا يعلم في عدم الوجوب. عدم ça veut dire l'absence ou le fait de ne pas le faire. Donc on ne connaît pas dans le fait de pas commencer par la droite, on ne connaît pas de divergence au sujet que ce n'est pas obligatoire. Non, ça c'est quelque chose qui est meilleur, hein, et les ulama sont tous d'accord pour dire que ça c'est une sunna, c'est-à-dire que c'est recommandé de commencer par la droite. Mais celui qui ne le fait pas, il manque que de faire ce qui est meilleur. Donc supposons qu'on va dire, tu commences ton wudu, tu commences par le bras gauche, tu fais ton bras droit après, ton wudu il va être quand même valable, même si tu n'as pas commencé par la droite. Hein? C'est important de savoir ça, parce que l'imam al-Nawawi et l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, dans son livre Al-Mughni. Allahu a'lam, je ne connais pas beaucoup d'égarements ou de choses comme ça. Peut-être que si tu lis dans certains livres des ulama, tu vas trouver des exemples de bid'a qui ont été rajoutés. Le cheikh qui ramène souvent le plus d'exemples de bid'a dans ce genre de choses-là, c'est Cheikh Al-Albani. C'est Cheikh Al-Albani. Parce que souvent, Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il fait quand il écrit un livre? Il écrit avec dedans souvent les exemples de bid'a qui existent, qui sont reliés à cette adoration-là. Donc, par exemple, quand il a écrit son livre sur Ahkam al-Janaiz, les règles de, par exemple, les règles de, des funérailles, eh bien, il a mis en même temps dedans, par exemple, les bid'a qui sont reliés aux funérailles. Donc, il y a des, toujours, il mentionne souvent des exemples comme ça. Il n'y a aucun dhikr authentique entre chaque membre comme ça. Il y a le wudu, il y a le dhikr à la fin du wudu seulement. Hein? Mais pas pendant le wudu, il n'y a pas de dhikr. Aussi, une autre bid'a que tu trouves chez des gens qui font, c'est que parfois, après qu'ils ont fini le wudu, ils passent les mêmes, le dos des mains mouillées sur la nuque. Et ça aussi, ça fait partie des bid'a. Ouais, celui qui rajoute plus que 3 dans les membres, qu'il lave, ça aussi, ça c'est quelque chose qui n'est pas correct. Parce que c'est contraire à la sunna. Puis, il y a des gens qui ont du wiswas dans le wudu. C'est-à-dire, le moindre doute ou, tout de suite quand ils s'imaginent, j'ai oublié un membre. J'ai oublié ça. Alors ils recommencent son wudu peut-être 5-6 fois avant qu'il l'a fini. Il y a des gens qui ont cette maladie-là. Et ça, c'est une maladie psychologique, ça, c'est un problème. Quand quelqu'un, il a le waswas, à chaque fois qu'il fait quelque chose, il ne sait pas. Il fait son wudu, il va recommencer son wudu 5-6 fois pour être sûr qu'il n'a pas oublié rien. Parce qu'à chaque fois qu'il le fait, il oublie. Puis après, il dit, je pense que j'ai oublié mon pied. Je pense que j'ai oublié mon oreille. Je pense que j'ai oublié ci. Il recommence. Des fois aussi, même dans la salat. Il fait sa salat. Après, il dit, je pense que j'ai oublié une sajda, une prosternation. Je pense que j'ai oublié de faire recours. Je pense que j'ai oublié de réciter le Fatiha. Je pense que j'ai oublié ça. Alors, il va faire sa prière 4, 5, 6 fois. Il va répéter 5, 6 fois la même prière pour être sûr qu'il l'a fait comme il faut. Ça, c'est le waswas. Et les ulama, ils ont dit, quand quelqu'un il est frappé ou il est touché par le waswas, il ne doit plus écouter le waswas. Même, c'est-à-dire qu'il prie, puis il se dit, j'ai fait ma prière comme il faut, puis il la recommence pas. Pour couper la voie au shaitan. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu recommences, à un moment donné, tu te fatigues. Et après, tu abandonnes. Hein? Tu risques même d'abandonner l'adoration à cause de ça. Parce que tu vas être fatigué. Hein? Donc c'est très dangereux, là, où il se passe. Non, tu as une autre question? En fait, c'est pas nécessaire. En principe, si tu laves ton bras puis que tu étends l'eau comme il faut dessus, il n'y a pas de raison pourquoi tu devrais laisser des espaces ou des taches. À moins que tu vas trop vite. Tu vois? Mais sinon, si tu fais ton wudu normalement, il ne devrait pas y avoir de problème dans le fait que tu passes tes mains, que tu fais en sorte que l'eau touche chaque partie de ton bras ou de n'importe quel autre membre. Parce que le prophète s'en dit « Wailul lil aqab minan nar » C'est-à-dire, faites attention au feu de l'enfer pour vos chevilles. Craignez le feu de l'enfer pour vos chevilles. Si vous laissez un espace, comme l'espace d'un ongle, il a dit, par rapport à vos talons ou ailleurs, que cet endroit-là n'a pas été touché par l'eau, ben vous êtes sous la menace du châtiment, donc à cause de ça. Mais sinon, faut voir, par exemple, quand tu fais ton wudu, tu n'as pas besoin de regarder dans le miroir, tu le sais si tu as touché l'eau, si l'eau est allée à tel endroit ou non. Ouais, non, c'est ça. Non, en principe, tu n'as pas besoin de vérifier. Depuis que tu vérifies, pendant que tu le fais, tu vérifies. Ouais, c'est ça. T'as pas besoin de regarder après tes bras, est-ce qu'ils sont. Ouais, non, c'est clair. Puis quand tu le fais juste une fois, tu fais bien attention de bien étirer l'eau pour que ça touche toutes les parties. Et c'est ça qu'on va voir dans le prochain hadith. Hein? Italatul ghurra. Hein? Italatul ghurra, comme on appelle. Moi? Oui. Le petit. Oui, c'est ça. C'est le petit. Juste qu'il n'y a pas d'explication, c'est que les hadiths. Oui, c'est ça. Italatul ghurra. Italatul ghurra, ça veut dire d'étaler l'eau. Là, j'aurais bien voulu l'expliquer, le hadith, mais il est assez long. L'explication est assez longue. Si on rentre dans l'explication du hadith maintenant, j'ai peur qu'on n'ait pas assez de temps pour le terminer. Naam, donc je sais pas. Oui, la semaine prochaine, c'est mieux. Donc on va le laisser pour la semaine prochaine. Mais c'est ça. Donc il faut juste faire attention quand tu fais ton wudu, d'être sûr que tu vas bien étaler toute l'eau. Donc on s'arrête ici, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.